La légende du doigt. À quelque temps de là, Anne Guisnou, venant de Plougasnou par la grande route pour une commission dont l'avait chargée sa mère, descendait à Saint-Jean-du-Doigt, dont le clocher commençait à lui apparaître, émergeant de la masse sombre des arbres et semblant s'élancer davantage vers le ciel à mesure qu'elle s'enfonçait plus profondément au creux du vallon, tandis qu'entre les deux hautes falaises, la mer traçait à l'horizon sa ligne rigide. C'était la première fois qu'elle y revenait depuis la terrible révélation que lui avait faite Tinaïque Cornou. De longues heures, l'histoire d'épouvante l'avait hantée, lui ouvrant les yeux sur des quantités de choses qu'elle n'avait jamais remarquées, mais elle avait tout gardé pour elle, n'en disant rien aux siens, car il lui aurait été trop pénible d'avoir à donner, elle, si jeune, si ignorante de tout, seulement guidée par les impulsions de son cœur, un avis sur ce qui s'était passé, d'avoir surtout à juger l'attitude et la conduite de son père dans des circonstances qu'elle ne connaissait que par le récit de la vieille guérisseuse de Saint-Jean-du-Doigt. En elle-même, elle trouvait que son père avait été bien sévère, mais eût-elle pensé de même si elle avait eu l'âge de raison à l'époque où ces événements avaient eu lieu et où cette atmosphère de terreur et de violence devait fatalement modifier les sentiments et les appréciations de ceux qui s'en sentaient enveloppés. C'était l'interrogation qu'elle se posait et qui la poussait à excuser l'implacabilité de Pierre-Marie Guisnou. Elle apercevait déjà le portail du cimetière et se dirigeait de ce côté car, maintenant qu'elle savait où reposait son oncle, elle s'était promis de ne jamais venir à Saint-Jean-du-Doigt sans apporter à l'abandonné le secours de ses prières et l'aumône charitable de quelques fleurs, quand elle eut un arrêt subit, murmurant « Tort et peine !» C'était bien lui qu'elle voyait, tout seul, immobile dans une pose de contemplation attentive, en face du support gauche du portail. Un instant, elle hésita, se demandant si elle devait l'aborder. Tout ce qui s'était passé depuis qu'elle ne l'avait vu avait jeté un peu de trouble dans ses idées. Une chose, cependant, l'avait déjà rassurée, c'est que rien de ce qu'elle redoutait ne s'était produit, que le corsaire n'avait nullement rompu l'engagement de ses frères sur le Penbaz, qu'il n'avait fait aucune allusion à cette tombe d'Antoine Guisnou, découverte par lui dans le cimetière de Saint-Jean-du-Doigt, et que ses frères ne tarissaient pas d'éloges sur leur capitaine, attendant avec impatience qu'il reprît la mer pour lui montrer ce dont ils étaient capables. Au moment où il atteignait la petite place qui précède le champ du repos et aboutit à la grande route par laquelle elle venait, le jeune homme se retourna vivement, la vit et s'écria le visage rayonnant de surprise et de joie « Vous, Anne ?» Et plus bas, presque pour lui seul, « Ma douce des douces !»« On croirait que vous m'avez deviné, » fit-elle enjouée soudain, malgré ses tristesses si récentes et sa vague anxiété. Il montra les petits sabots. « C'est vrai, j'ai entendu leur bruit, que je reconnaîtrais, je crois, entre tous, et qui m'ont annoncé la venue de la petite reine que vous êtes. » Il secoua la tête, ajoutant. « Et pourtant, j'étais bien absorbée, allée à ne rien entendre. Mais vous, je vous entends toujours, ou plutôt, comme vous le disiez si bien, je vous devine. » Pour échapper à un léger embarras qu'elle éprouvait à entendre sa voix devenir plus émue, plus caressante, et pour l'empêcher de trop marquer la rougeur qui montait à son visage, elle repartit vivement. « Et qu'est-ce qui pouvait vous absorber à ce point? Notre joli portail de Saint-Jean, peut-être? Les étrangers qui viennent parfois dans notre petit pays prétendent en effet que c'est une merveille. Je ne m'y connais pas, moi, pauvre ignorante, mais je le trouve très beau aussi. Avez-vous jamais vu le pareil ?» Elle indiquait d'un geste l'ensemble monumental de cette sorte d'arc de triomphe de granit à corniche feuillagée, courant tout le long du couronnement qui ouvre son ogive énorme sur le cimetière. « Qui voyez-vous donc? Il est tout rongé par le temps. Est-ce cela ?»« Ce que j'y vois ?» s'exclama Thorhepen. « Si vous saviez. Mais je n'ose vous dire. Vous allez me croire fou. » Et cependant, Il me semble que j'ai toute ma raison, que, autour de moi, les choses m'apparaissent comme aux autres, que je les vois bien telles qu'elles sont. » Il avait porté les deux mains à son front, l'enserrant de ses doigts avec violence, appuyant sur ses yeux la paume de ses mains et s'écriant « Là, là, qu'y a-t-il donc? Que se passe-t-il qui m'attire à la fois et m'épouvante? Quel mystère s'agite en moi que je ne parviens pas à déchiffrer? C'est l'énigme, c'est la nuit complète, toute noire. Je m'y perds. » La jeune fille, faisant un involontaire mouvement de recul, le regarda étonnée de cette violence inattendue, de cette sorte d'accès de désespoir qui lui rappelait un peu l'allure et la physionomie du corsaire, alors que, à son insu, elle l'avait surpris devant la tombe d'Antoine Guizenou. Elle ne put s'empêcher de demander inquiète « Mais qu'avez-vous ? » Il la vit effrayée, et se contraignant au calme, presque au sourire, il fit d'un accent presque plaintif. « Ce que j'ai, si je pouvais, si j'osais... » Il hésita un instant, puis sembla tout à coup prendre son parti. « Eh bien oui, j'oserai, je parlerai. Si quelqu'un peut me comprendre, m'excuser, c'est vous, seulement vous. Vous serez ma confidente, voulez-vous ? » D'une inclination de la tête, elle accepta. Ils entrèrent par la petite porte toujours ouverte à côté de la grande, qu'on n'ouvre que pour les messes et les cérémonies, et vinrent s'asseoir sur le petit tertre gazonné qui fait vis-à-vis à la fontaine et à l'église. Immédiatement, le jeune capitaine commença. « En me parlant du portail, vous me demandiez si j'avais jamais vu le pareil. Faut-il vous l'avouer ? Il me semble que oui. » « Mais on le dit unique au monde ?» protesta Anne, étonnée. « Je l'ai entendu affirmer bien souvent. » Il haussa les épaules avec une sorte de lassitude. « On me l'a déjà dit également. Alors quoi ? Je rêve ou je suis fou ?» Il frappa son front de son index pendant qu'elle le regardait, cherchant à le comprendre. Il continua. « Le comte de Tromelin et mon vieux Lantoc, qui m'ont recueilli, sauvé, élevé, m'ont certes beaucoup parlé de Saint-Jean du Doigt, de Plougasnou, surtout quand il a été question de venir m'installer dans le pays. Ils m'ont donné des masses de détails sur les monuments, sur les habitants, sur les côtes. Mais tout de même, c'est bizarre que je m'y sois aussi retrouvé tout de suite. » Dès le premier jour, surtout ici, à Saint-Jean-du-Doigt, et que rien ne m'en ait étonné, rien ne m'en ait paru nouveau. » Il pencha la tête, écoutant du côté de la fontaine. « C'est comme cette eau qui coule, qui gazouille. J'avais sa chanson dans l'oreille avant d'être venu ici, je le jurerais. Où ai-je entendu cette musique ? En Amérique, dans les îles de là-bas ? Où ? Je l'ignore. Et ces statues de la fontaine, et cette configuration de l'église, du cimetière. C'est comme un rêve que je refais tout éveillé. Alors, parfois, il me semble que j'ai dormi longtemps, longtemps, que j'ai été enlevé, transporté miraculeusement par les airs, et que je me réveille tout à coup chez moi. Ha, ha, ha, est-ce extraordinaire ? » Il riait, d'un rire d'énervement, où perçait l'angoisse d'une souffrance. Sa compagne ouvrait de grands yeux. Elle sourit attendrie. Vous voilà donc tout comme le jeune homme de la légende du doigt. Vous savez bien ce gars de Plougasnou qui, il y a des siècles, en 1437, qu'on assure, était au service d'un grand seigneur, avait une vénération si profonde pour le doigt du saint précurseur qu'il n'avait qu'un désir, l'enlever de l'église de Saint-Lô, où on l'avait rapporté de Terre Sainte, et en faire présent à son pays de Bretagne. Le voilà ce gars qui, au moment de retourner chez lui, son service fini, va prier dans cette église de Saint-Lô devant la relique, puis s'en va, saisi d'une allégresse extraordinaire. Il arrive dans une ville, les cloches sonnent toutes seules, les arbres s'inclinent sur son passage. Alors on le croit sorcier, on le jette dans un cachot noir où il s'endort. Le lendemain, il se réveille près d'une fontaine, au milieu d'un vallon verdoyant, près d'une église. Il se met debout, se frotte les yeux, se demande s'il rêve. Il était où nous sommes et reconnaissait la vallée de Trahan-Mériadec, la ferme de son père. « Croyez-vous ? » Thor Heppen, à mesure qu'elle parlait, sentait sa poitrine se gonfler, son cœur battre, ses yeux s'emplir de larmes, murmurant « La vallée, la paroisse, son père !» Il secoua la tête avec découragement. « Je ne retrouve rien, rien, rien ! Et pourtant, la fontaine, l'église, le portail, des choses çà et là, surtout celles qui apparaissent le moins nettement aux autres !» Anne poursuivait, sans remarquer son émotion. Alors il marche, les chaînes se courbent devant lui. À la chapelle Saint-Mériadec, les cierges s'allument tout seuls, la cloche tinte à gros carillons. Tous les villages voisins accourent. Le jeune homme est en prière devant l'autel. Soudain, il sent un choc au bras droit. Le doigt de Saint-Jean-Baptiste, la sainte relique qu'il avait sans le savoir, par un miracle, apporté dans la jointure de sa main droite avec le bras, entre la peau et la chair, s'élance d'un bond sur l'autel où les prêtres le recueillent. Naturellement, toute la Bretagne s'émeut. Le duc vient de Vannes à Morlaix. On convoque les évêques de Nantes, de Vannes, de Léon, de Tréguier, la noblesse, et le jeune homme comparaît devant tout ce monde où il doit raconter ce qui lui est arrivé. Mais le capitaine n'écoutait plus que vaguement, perdu dans sa rêverie. Il s'y arracha pour répondre. « Maintenant, je me souviens. Lantoc m'avait conté cela, mais il compte si étrangement parfois, il y ajoute tant de choses de son invention que je ne m'y retrouve plus quand l'histoire a été assaisonnée par lui. Oui, c'est l'origine de cette magnifique église qui, grâce au miracle opéré par la relique, que le duc avait fait enfermer dans un reliquaire d'or, au moyen de l'argent envoyé de partout, remplaça l'humble petite chapelle primitive. Commencée en 1440, elle n'a été terminée que 73 ans plus tard, après que la duchesse Anne y fut venue. Elle fit avec élan son âme s'exaltant à ses souvenirs. « Moi, j'adore cette belle légende !» Le jeune homme l'admirait, ainsi transformé, tout animé, les yeux brûlants d'une flamme. Il fit « Que ne suis-je moi aussi porteur inconscient de quelque miracle pour que vous parliez de moi avec cette ardeur ?» Un peu de confusion fit rosir ses joues et elle répondit, songeant à la transformation qu'elle avait subie. « Qui sait, les miracles se produisent au moment où l'on s'y attend le moins. Qui assure que vous ne ferez pas de miracle ?» Il l'enveloppait de ses regards, n'osant croire aux pensées qui lui montaient au cerveau. « Un miracle, moi ?» Pauvre malheureux perdu à travers le monde. Anne, petite Anne, que dois-je comprendre? Que me permettez-vous d'espérer? Sans répondre directement, elle décida nettement. N'était-ce pas un gars bien obscur, bien inconnu, celui qui a transformé le pays, créé le bonheur de Saint-Jean-du-Doigt? On ne sait même pas son nom. Comme moi, balbutia Thor Heppen. Mais Anne Guisnou voulut s'arracher à l'amollissement que lui causait la pente insensible prise par cette conversation et, se relevant avec un geste de confusion, « Voilà qu'il se fait tard et que je n'ai pas encore fait la commission dont m'avait chargée ma mère. Il faut que je vous quitte. Je serais heureuse, bien heureuse, si ma pauvre conversation avait pu apporter un peu d'apaisement dans le trouble dont vous paraissez souffrir. » Il s'était mis debout, plus gai, serrant dans ses deux mains les petites mains douces. « Merci. Oui, je me sens fort maintenant, plus fort, et l'avenir me paraît moins sombre, depuis ce que vous m'avez dit de ce porteur de miracles, que je pourrais être comme l'obscur et ignoré gars de la légende du doigt. » Elle sourit et lui jetant un adieu murmura. « Espérez !»